Yo, Digital, play this shit. Yo, in Jamaica they say big boom boom. In Martinique we say la patate, ou le dodan. But guess what? What me call a lambi? C'est pas n'importe qui pussy, un pussy qui aime la vie. What me call a lambi? Un bagaille épais et joli, et qui s'apprend tout. Y'a l'oukai pour tout, tout. Tout, tout, pas couille même si pas coûte. Y'a look et pas tout, tout, tout, tout. Descends la planche d'autoroute. Y'a t'es bon, jamais tu ne déçois. Je t'ai croisé au François. C'était un jeudi ou un samedi soir. Je voulais déjà une histoire. Tu es cambré comme une hippopote. Avec toi, il faut que je compte. Je voudrais m'insérer dans ta tente. Te montrer comment je suis pote. Je ne veux pas être ton pote. Je souhaiterais que tu me montres. Je voudrais connaître tes hanches. T'inquiète pas, je suis étanche. Padman, l'odeur dans l'atmosphère. La nuit qu'on met beaucoup d'éther. Me pas en laisser messer, ça c'est you. Au souhait à ma coco. Jouk, jouk, jouk, jouk. Pas cool même si pas cool. Jalou quand pour tout, tout, jouk, jouk. Descends la broche de ton route. Jouk, jouk, jouk, jouk. Pas couille même si pas couille. Y'a l'ouka et pour tout, tout, jouk, jouk. Descends la planche de ton route. Hey, tiens. Il est vrai que j'aime le lambi. Je le bats, je le démolis. Oui, je suis comme tous mes amis. On adore les saloperies. J'ai du rhum et du NST. De la Kalash OG aussi. C'est sûr que tu diras merci. Une fois que tu auras joui. Tout, tout, tout, tout. Tout, tout, tout, tout. Y'a l'eau quand il faut tout. Tout, tout, tout. Descends la planche de ton route. Tchouk, tchouk, tchouk, tchouk. Que t'es point même si pas tout. Y'a l'eau quand il faut tout. Tout, tout, tout. Je t'aime.